Le cimetière d'Elo. À mes frères aînés, écoliers éblouis, ce qui suit fut conté par mon oncle Louis, qui me disait à moi, de sa voix la plus tendre, « Joue, enfant !» me jugeant trop petit pour comprendre. J'écoutais cependant, et mon oncle disait, « Une bataille, bah, savez-vous ce que c'est ? De la fumée. À l'aube, on se lève, à la brune, on se couche. » Et je vais vous en raconter une. Cette bataille-là se nomme Elo. Je crois que j'étais capitaine et que j'avais la croix. Oui, j'étais capitaine. Après tout, à la guerre, un homme, c'est de l'ombre, et ça ne compte guère. Et ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Donc, Elo, c'est un pays en Prusse. Un bois, des champs, de l'eau, de la glace. Et partout, l'hiver et la bruine.